بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui, inshallah ta'ala, le 21e cours dans l'explication du chapitre du mariage tiré du livre Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din de l'imam Sa'di rahimahullah. On était arrivé à la parole de l'auteur concernant la dot lorsqu'il dit فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهَا الْمُتْعَةِ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ. Et donc il nous dit l'auteur rahimahullah, si l'individu, si l'homme, il divorce son épouse avant d'avoir eu un rapport avec elle, alors à ce moment-là, cette femme bénéficiera de el-muta'a. Qu'est-ce qui est voulu par el-muta'a ici? Ce n'est pas ce qu'on a vu précédemment. Précédemment, on a vu el-muta'a, c'est un mariage qui a une durée déterminée. Donc, un homme qui se marie avec une femme, il se dit le mariage dure pendant 2 mois. Au bout de 2 mois, le mariage est terminé. Ça, on appelle el-mut'a. On a déjà abordé ce sujet. C'est interdit en islam. Il y a ici le terme mut'a qui va être utilisé de manière licite. Et ce qui est voulu ici, c'est ce que l'homme va payer, va donner comme somme à la femme qu'il divorce. Et donc l'homme qui a divorcé son épouse avant d'avoir eu un rapport avec elle, alors cette femme bénéficiera de el-muta'a, c'est-à-dire une somme, une certaine somme, donc que l'homme va lui donner par rapport au divorce. Celui qui a beaucoup d'argent va donner en fonction de ses capacités, et celui qui n'en a pas beaucoup, en fonction de ses capacités. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc, la junaha alaykum in tallaqatumu nisa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna farida. Il n'y a pas donc de mal lorsque vous divorcez de vos épouses et que vous ne les avez pas touchées ou que vous n'avez pas déterminé de dot. Wa matti'uhunna 'ala al-mus'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf. Et accordez-leur el-muta. Et donc cette somme qui va être donnée à la femme par rapport au divorce, accordez-leur cela, celui qui en a les moyens en fonction de ses capacités et celui qui n'en a pas beaucoup en fonction de ses capacités. Haqqan 'ala al-muhsinin. Et donc ceci est un devoir aux muhsinin, aux bienfaisants. Et donc comme on a dit, la femme dont son époux il va la divorcer et il n'a pas eu de rapport avec elle et il n'a pas non plus déterminé une dot. Et donc le jugement de cette femme, c'est qu'elle n'aura pas de dot, mais par contre, elle aura el-muta'a. Elle aura donc el-muta'a. El-muta'a, donc une somme que l'homme va lui donner, incha'Allah ta'ala. Et donc comme on a dit tout à l'heure, el-muta'a, ce qui est voulu par cela, c'est la somme que l'homme va payer à son épouse qu'il divorce par rapport à ce divorce. Il y a l'imam Malik rahimahullah. L'imam Malik, il voit que cela est recommandable. Ce n'est pas obligatoire. Ici, on parle de l'homme qui divorce son épouse. Il n'a pas eu de rapport avec elle et n'a pas déterminé de dot. L'imam Malik rahimahullah, il voit que c'est préférable, mustahab, que c'est recommandé. Mais il ne voit pas que c'est obligatoire. Et les autres savants, les autres écoles, voient que ceci est obligatoire et c'est l'avis le plus juste. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité précédemment, Allah, il l'a ordonné. Il l'a ordonné. Il dit tabaraka wa ta'ala, wa matti'uhunna. Et accordez-leur. Et accordez-leur la muta. Et donc, cela est obligatoire. Et là, ici, attention, on parle bien de l'homme qui a divorcé son épouse alors qu'il n'a pas eu de rapport avec elle et n'a pas déterminé de dot. Ibn Hazm, rahimahullah, il voit que cela est obligatoire à l'absolu. À partir du moment où l'homme divorce sa femme, peu importe que l'homme ait consommé, ou que l'homme n'ait, peu importe que l'homme ait eu un rapport avec elle, ou que l'homme n'ait pas eu de rapport, l'homme doit donner à la femme el muta. Il doit lui donner une somme. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il dit walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. Il dit et les femmes divorcées ont droit à el muta', el muta', ce qui est voulu ici, cette somme. Elles ont droit à cela et ceci est un droit fait aux muttaqin, aux pieux. Et donc Ibn Hazm rahimahullah, il voit que cela est obligatoire. Donc, cela ne concerne pas que la femme qui a été divorcée alors que son mari ne lui a pas déterminé de dot et que son mari n'a pas eu de rapport avec elle. Peu importe la situation de la femme, dès que l'homme il divorce, et donc Ibn Hazm, il voit que l'homme doit donner une compensation à cette femme. Une muta, il doit donner une compensation à cette femme par rapport au divorce. Ibn Taymiyyah tarahimahullah, ainsi que Ibn al-Uthaymeen, donc, sont d'accord, ils ont opté pour l'avis d'Ibn Hazm. Et cet avis est, Inch'Allah ta'ala, l'avis le plus juste. Le fait que l'homme, quand il divorce d'une femme, il doit donner à cette femme une compensation en fonction de ses capacités. Tayyib, la femme dont l'homme n'a pas eu de rapport avec elle. Par contre, il a déterminé une dot. Il a déterminé une dot qu'il ne lui a pas donné. Il s'est marié avec elle, il n'a pas encore eu de rapport, mais il a déterminé une dot qu'il ne lui a pas encore donnée. Alors, au moment du divorce, cette femme-là, elle aura la moitié de cette dot. Elle aura droit à la moitié de cette dot qu'il a déterminée. Là, on ne parle pas de la femme précédente. Quelle est la différence entre cette femme-là et la femme précédente? C'est quoi la différence entre les deux? Voilà. Il n'avait pas, voilà. Et donc ici, l'homme, il avait déterminé une dot, il avait promis une dot qu'il devait donner à cette femme. La première femme qu'on a vue tout à l'heure, il n'avait pas promis de dot. Il n'avait pas déterminé une dot. Et donc là, maintenant qu'il a promis une dot et qu'ensuite il a divorcé cette femme, alors cette femme, elle reçoit donc la moitié de cette dot. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَإِن تَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ. Et donc, il dit tabaraka wa ta'ala, et lorsque vous divorcez de vos épouses, avant de les avoir touchées, donc avant d'avoir eu un rapport avec elles, mais par contre, vous leur avez déjà déterminé une dot, alors à ce moment-là, ça sera la moitié de ce que vous avez déterminé, sauf si celles-ci, elles font preuve donc de clémence, ou que celui donc dont le contrat de mariage est entre ses mains, il fait preuve de clémence. Tayyib. Et donc, par rapport à cela, la femme, son droit, lorsque on lui a déterminé une dot qu'on ne lui a pas encore donnée et que l'homme va divorcer de cette femme sans avoir eu de rapport avec elle, son droit c'est qu'elle a la moitié de cette dot. Il continue l'auteur, rahimahullah, il nous dit وَيَتَكَرَّرُ الصَّدَاقُ كَامِلًا بِالْمَوْتِ أَوِ الدُّخُولِ. Et il nous dit là maintenant la dot, la femme elle prendra la dot entièrement par la mort ou le rapport. Et donc là, il nous cite deux causes qui font que la femme, elle a droit entièrement à sa dot. La mort de l'époux ou le fait que celui-ci ait eu un rapport avec elle. Et donc, on va voir ça, Inch'Allah ta'ala. Lorsque l'homme, il meurt et qu'il a laissé derrière lui une femme avec qui il n'a pas eu de rapport et il ne lui a pas donné sa dot. Alors là, Abu Hanifa et l'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed, ils voient que la femme, que cette femme-là, elle mérite entièrement cette dot. Elle mérite sa dot entière. Son mari est mort, il n'a pas eu de rapport avec elle, il ne lui a pas encore donné sa dot. Elle mérite sa dot entièrement. L'imam Malik ainsi que l'imam Shafi'i, Eux, ils voient qu'elle n'a pas la dot. Pourquoi? Parce que il n'a pas eu de rapport avec elle. Il n'a pas eu de rapport avec elle. Et l'avis le plus juste, c'est le premier avis. L'avis de l'imam Abu Hanifa et l'imam Ahmed, qui disent que la dot est obligatoire entièrement. Pourquoi? Parce que comme on a dans le Moussonnef de Ibn Abi Shayba, donc Abdullah qui fut interrogé concernant une femme, ou concernant un homme qui avait épousé une femme et qui est mort, sans avoir eu de rapport avec elle, et donc il ne lui a pas donné de dot. Alors Abdullah, il a répondu à cette question en disant, elle a droit à la dot, elle a droit à l'héritage, et elle doit respecter sa période de viduité. La hel sadaq, wa la hel miras, wa alayha al idda. Elle a droit à la dot, elle a droit à l'héritage, et elle doit respecter sa période de viduité. Marc ibn Yasser, qui était présent et qui a entendu cela, il a dit, shahidtu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qada fi birwa binti washik, misle zalik. Il dit, certes, j'atteste que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'ai assisté au fait que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné un jugement concernant Birwa bint Washiq, et c'était le même jugement que tu viens de donner. C'était le même jugement que tu viens de donner. Et donc que cette femme, elle a droit à l'héritage, elle a droit à la dot, et elle doit respecter sa période de viduité. Et ce qui est surprenant, c'est que ce même texte, l'imam Malik rahimahullah, il l'a cité dans son livre Al-Muwatta. L'imam Malik rahimahullah, il l'a cité dans son livre Al-Muwatta, et pourtant ce n'est pas son avis. Mais donc, comme on a dit, ceci est l'avis le plus juste. Par contre, maintenant, si l'homme, il va avoir un rapport avec sa femme, on ne parle pas de l'homme qui est mort sans avoir eu de rapport. S'il a eu un rapport avec sa femme, alors là, c'est un sujet d'unanimité. Unanimité, elle prend entièrement la dot. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَقَدْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Et donc ici dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous montre que si un homme veut se marier avec une autre épouse, veut divorcer de sa femme, alors qu'il lui a donné une énorme somme, quintar, il dit, tabaraka wa ta'ala, ne prenez rien de cette somme, de cette énorme somme, de cette énorme dot, ne prenez rien de cela. Est-ce que vous allez prendre cela en toute injustice et en péché? Comment pouvez-vous prendre cet argent alors que chacun d'entre vous s'est donné à l'autre? Ce qui est voulu ici, c'est le rapport. Comment est-ce que tu peux reprendre la dot alors que chacun d'entre vous s'est donné à l'autre et qu'elles ont pris de vous un engagement solennel? Et donc, à partir du moment où il y a un rapport, il y a unanimité que la femme, elle prend entièrement sa dot. Ensuite, l'auteur qui nous dit « وَيَتَنَصَّفُ بِكُلِّ فُرْقَةٍ » de كل فرقة من قبل قبل الدخول من جهة الزوج كطلاقه. Et donc ici c'est ce qu'on a vu précédemment, il nous dit, et la femme elle prend la moitié de la dot pour toute séparation qu'il y a eu par la cause du mari, donc comme le fait que avant le rapport, pour toute séparation qu'il y a eu par la cause du mari avant le rapport, comme le fait que celui-ci l'a divorcé, ça on vient de le voir. Et donc, comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, fa nisfu ma faradtum, alors la moitié de ce que vous avez déterminé. Et ensuite, l'auteur qui nous cite dans quel cas la dot, elle tombe. C'est-à-dire, dans quel cas il n'y a plus d'obligation de donner à cette femme la dot. Il nous dit, bi furqatin min qibliha. Il n'y a plus d'obligation de lui donner la dot lorsque c'est une séparation qui se fait par de son côté à elle, qui se fait par sa cause à elle. Et on a déjà vu précédemment que l'avis le plus juste, c'est que lorsque la femme, c'est par sa cause qu'il y a eu le divorce, c'est-à-dire c'est elle qui a demandé une annulation du mariage à cause d'un défaut qu'il y a chez le mari, alors là, elle prend sa dot. Elle prend sa dot. Pourquoi ? parce que le défaut, il était chez le mari. Certains savants, donc l'école Hanbalite, ils voient que peu importe la raison, à partir du moment où cela vient de la femme, elle ne prend pas sa dot. Mais la vie le plus juste, c'est que lorsque la femme demande la séparation à cause de l'annulation du mariage, à cause d'un défaut qui vient du mari, alors oui, elle prend sa dot. Et aussi, la dot donc ne devient plus obligatoire lorsque celui-ci, donc l'auteur, il nous dit « au fasrihi li aibihi ». La dot n'est plus obligatoire lorsque c'est lui qui va annuler le mariage à cause d'un défaut qu'elle a. Effectivement, lorsque elle a un défaut, le sujet des défauts, on l'a déjà vu précédemment. Et donc, lorsque cette femme va avoir un défaut valable, qui peut entraîner justement l'annulation du mariage, eh bien, l'homme va annuler le mariage et à ce moment-là, il n'a plus l'obligation de donner la dot, effectivement. Ensuite, l'auteur, pour finir, il nous dit « وَيَنْبَغِ لِمَنْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُمَتِّعَهَا بِشَيْءٍ يَحْصُلُ بِهِ جَبْرُ قَاطِرَتِهَا » Et il est convenable que celui qui divorce son épouse, il lui accorde une compensation afin d'apaiser cette femme et de la réconforter. Et ceci en se basant sur la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin. Et les femmes divorcées ont une compensation convenable et ceci est un droit aux pieux. Et donc ici le cheikh il nous dit qu'il est convenable. Il est convenable et on a vu précédemment que la vie le plus juste inshallah ta'ala, c'est qu'il est obligatoire. Il est obligatoire à l'homme, lorsqu'il en a la capacité, de donner à la femme une compensation lorsque celui-ci la divorce. Nous, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, et à partir de vendredi soir, on va commencer un nouveau sous-chapitre, donc Babu Ishratin Nisa, le comportement envers les épouses. Ishratin Nisa, c'est-à-dire comment vivre avec la femme, inshallah ta'ala. On arrête là pour ce soir. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.